Il me reçut avec amitié et dit qu'il fallait me donner de suite un ordinaire de 19 hommes et y mettre 7 vélites des plus négligents, mais des plus instruits. Il les dressera, dit-il au sergent-major, et ils montreront à lire et à écrire. Je vous charge de cette bonne œuvre. Il le mérite, il nous a sauvé la vie. C'était toujours à son bivouac que nous trouvions à manger. Je rendis visite à M. Belcourt, qui se rappela l'empressement avec lequel je lui avais remis une montre perdue. Le voyant chercher au galop en arrière, je lui avais dit « Où courez-vous, major? Vous avez perdu votre montre? La voilà !»« C'est de ces actions que l'on n'oublie pas, » dit M. Belcourt. « Allez, faites bien votre service, vous ne resterez pas là. » Dieu que j'étais content de cette belle réception. Me voilà donc chef d'ordinaire, de 12 grognards et de 7 vélites instruits. Le sergent-major leur fit la leçon, car ils partirent de suite chez le libraire pour m'acheter papier, plumes, règles, crayons et un vieil évangile. Me voilà bien surpris de voir 7 maîtres pour un écolier. « Eh bien, me dirent-ils, voilà de quoi travailler. Moi, dit le nommé Gallo, je vous ferai des modèles. » Et le nommé Gobin dit, « Je vous ferai lire. » « Nous vous ferons lire chacun à son tour, dirent-ils. « Allons, je vous aime tous, leur dis-je. Je vous récompenserai en soignant votre tenue, qui a besoin d'être rectifiée. » Mais ce n'était pas fini. Voilà les 7 caporaux de la compagnie qui m'apportent 2 paires de galons, et le tailleur pour les coudre. « Allons de suite, dit-on, ôtez votre habit. Ces galons viennent de nos 2 camarades morts au champ d'honneur. « Eh bien, leur dis-je, vous vous occupez donc tous de moi, il faut les arroser. » « Non, dirent-ils, nous sommes trop. » « C'est égal, nous prendrons chacun une demi-tasse et le petit verre. Mais je vous prie de laisser venir mes maîtres et le tailleur qui a cousu mes galons. « Eh bien, soit, dirent-ils, partons. » Et me voilà avec mes 15 hommes au café. Je les fis mettre à table et fus trouver le maître. Je lui dis, « C'est moi qui paie, vous m'entendez ?»« Ça suffit, dit-il. De l'eau-de-vie de France, surtout. Vous allez être servi. » J'en fus quitte pour 12 francs et nous partîmes tous contents. Me voilà à mes études comme un enfant, commençant par faire des bâtons et apprendre mon évangile et le réciter à mon maître. Mais il fallut passer la revue du départ et le lendemain, 13 juillet, nous partîmes pour Berlin, la joie dans l'âme. À Berlin, le peuple vint au-devant de nous. Il savait la paix faite. On nous reçut, on ne peut mieux. Nous fûmes bien logés et la plus grande partie nous menèrent au café. Ils demandaient « Et les Russes, ont donc trouvé leur maître ?» Ils disent cependant que nos soldats ne se battent pas bien. Ils sont aussi braves que les Russes, vos soldats, et l'empereur a eu bien soin de vos blessés. Nous les portions à l'ambulance, comme les nôtres. Vous avez aussi un grand général qui a eu bien soin de nos prisonniers. Notre empereur le connaît bien. Et ils nous serraient les mains, disant, « C'est bien là, les Français. » Mais leur dis-je, « Vos prisonniers sont plus heureux que vos soldats. Bon pain, de l'ouvrage, bien payé, pas battu. Aimable caporal, vous nous comblez de joie. Vous vous êtes conduits à Berlin comme des enfants du pays. Je vous remercie pour mes camarades. » Nous partîmes par étapes. Les grandes villes de Potsdam, Magdebourg, Brunswick, Francfort, Mayence nous fêtèrent. La joie était sur toutes les figures. Les habitants des campagnes venaient sur les routes nous voir passer. Il y avait des rafraîchissements partout le long des villages. On peut dire que les villages rivalisaient avec les villes en soins. Bien nourris, bien fêtés, nous arrivons aux portes de notre capitale. C'est encore elle qui surpasse toutes celles que j'ai vues. Là, nous attendaient des arcs de triomphe, des réceptions magnifiques, et la comédie, et les belles dames de Paris qui nous regardaient en dessous, cherchant à reconnaître leurs favoris. L'empereur voulut nous voir aux Tuileries avec nos habits râpés, mais propres. Puis nous traversons le jardin des Tuileries pour nous mettre à table dans l'avenue de l'Étoile, et de là à Courbevoie pour prendre du repos. Mais l'empereur ne nous laissa pas longtemps tranquille. Il forma de suite des écoles régimentaires, et il fit venir de Paris 2 professeurs pour nous instruire, un le matin et l'autre le soir. Que cela faisait bien mon affaire. De suite je fis emplette d'une grammaire et d'une théorie. 2 fois par jour en classe, secondé par mes vélites, je fis des progrès. Je n'en quittais pas, sinon pour monter ma garde. Sorti de la classe, je partais me cacher dans le bois de Boulogne, dans un endroit bien retiré, et là j'apprenais ma théorie. Au bout de 2 mois, j'écrivais en gros, et je peux dire bien. Les professeurs me disaient, « Si nous vous tenions pendant 1 an, vous en sauriez assez. Vous avez une bonne main. » Comme j'étais fier. L'empereur forma en même temps une école de natation pour nous apprendre à nager. et il fit établir des barques près du pont de Neuilly. Et là, on mettait une large sangle sous le ventre du grenadier qui ne savait pas nager. Tenu par deux hommes dans chaque barque, ce militaire était hardi et en 2 mois, il y avait déjà 800 grenadiers qui pouvaient traverser la Seine. On me dit qu'il fallait que j'apprenne à nager. Je répondis que je craignais trop l'eau. « Eh bien, dit l'adjudant-major, il faut le laisser tranquille, ne pas le forcer. Je vous remercie. » L'empereur donna l'ordre de tenir prêts les plus forts nageurs en petite tenue et pantalon de toile pour midi. Le lendemain, il arrive dans la cour de notre caserne. On fait descendre les nageurs. Ils étaient accompagnés du maréchal Lannes, son favori. Il demande 100 nageurs des plus forts. On nomme les plus avancés. Il faut, dit-il, qu'ils puissent passer avec leurs fusils et des cartouches sur la tête. Il dit à M. Belcourt, « Tu peux les conduire ?»« Oui, sire. Allons, prépare-les, je vous attends. » Il se promenait dans la cour. Me voyant si petit à côté des autres, il dit à l'adjudant-major, « Fais approcher ce petit grenadier décoré. Me voilà bien sot. « Sais-tu nager ?» me dit-il. « Non, sire. Et pourquoi ?»« Je ne crains pas le feu, mais je crains l'eau. »« Ah, tu ne crains pas le feu ?»« Eh bien, dit-il à M. Belcourt, « je l'exempte de nager. » Je me retire bien content. Les 100 nageurs prêts, on se rendit au bord de la Seine. Il y avait des barques montées par les marins de la garde pour suivre, et l'empereur descendit à pied sur la berge. Tous les nageurs passèrent au-dessous du pont, en face du château de Neuilly, sans accident. Il n'y eut que M. Belcourt qui fut accroché par des grandes herbes qui traînent en deux os et qui s'entortillèrent autour de ses jambes. Mais il fut secouru de suite par les bateliers, et il passa comme les autres. Arrivé de l'autre côté, dans une île, les voilà à faire feu. L'empereur part au galop, fait le tour et arrive. Il fait de suite donner du bon vin aux grognards et les fit repasser dans les barques. Il y eut distribution de vin pour tout le monde et 25 sous pour les nageurs. Il prit aussi fantaisie à l'empereur de faire traverser la Seine à un escadron de chasseurs à cheval, en face des Invalides, avec armes et bagages, dans la même place qu'occupe le pont aujourd'hui. Ils passèrent sans accident et arrivèrent dans les Champs-Élysées. L'empereur fut ravi, mais les chasseurs et leurs bagages furent mouillés. Je me multipliai dans mes fonctions de caporal. 2 leçons par jour et une de mes 2 vélites, sans compter ma théorie qu'il fallait réciter tous les jours. Je la savais en partant de l'endroit où je venais de l'apprendre, mais arrivé devant M. Belcourt, je ne savais plus le premier mot. « Eh bien, disait-il, allons, remettez-vous. » Je la savais cependant. « Eh bien, voyons, j'y suis. » Et je récitais sans manquer. « C'est cela, disait-il, ça viendra. » Demain, pas de théorie, nous apprendrons le ton du commandement. Le lendemain, rangé autour de lui, voyons, faisait-il, je vais commencer. Il fallait répéter son commandement, chacun à son tour. Je déployais si bien ma voix qu'il en fut surpris, et me dit, recommencez, ne vous pressez pas. Je vais vous faire le commandement, vous n'aurez qu'à répéter après moi. Point de timidité, nous sommes ici pour nous instruire. Me voilà à crier, c'est cela, dit-il. « Voyez, messieurs, le petit caporal Coignet fera un bon répétiteur. Dans 1 mois, il nous dépassera. « Ah, major, vous me rendez confus. « Vous verrez, me dit-il, quand vous aurez de l'aplomb. » Pour ma théorie, je n'eus pas bon temps. J'avais toujours le nez dedans. Mais j'étais loin d'atteindre mes camarades, qui récitaient comme des perroquets. En revanche, dans la pratique, je les surpassais. Je devins fort pour montrer l'exercice et je me trouvais dédommagé de mon peu de savoir. J'avais fait emplette de 200 petits soldats de bois que je faisais manœuvrer. Quand on faisait la grande manœuvre, je retenais tous les commandements. Le brave général Harlay, qui commandait, ne laissait rien à désirer. On pouvait apprendre sous ses ordres. C'est la marche de flanc qui est la plus difficile. Par bataillon, il faut partir comme un seul homme, faire halte de même front par un à gauche, tout le monde conservant sa distance, aussi bien aligné que les guides généraux sur la ligne. Aussi, il fallait bien préciser le commandement de marche, comme celui de halte, sur le pied gauche. De ces savantes manœuvres, je n'en perdis pas une syllabe. Je ne sortais pas de ma caserne. À la fin d'août, l'empereur fit faire de grandes manœuvres dans la plaine de Saint-Denis, des revues souvent. Nous nous aperçûmes qu'il prenait ses mesures pour entrer en campagne. Les cartes se brouillaient du côté de Madrid. Jusqu'au mois d'octobre 1808, nous eûmes le temps de faire la belle jambe à Paris, de passer de belles revues, de faire des cartouches, et moi de me fortifier dans mon écriture et ma théorie. Le général d'Orsène passait des inspections tous les dimanches. Il fallait voir ce général sévère visiter les chambres, passer le doigt sur la planche à pain. Et s'il trouvait de la poussière, 4 jours de salle de police pour le caporal. Il levait nos gilets pour voir si nos chemises étaient blanches. Il regardait si nos pieds étaient propres, si nos ongles étaient faits, et jusque dans nos oreilles. Il regardait dans nos malles pour s'assurer qu'elles ne renfermaient pas de linge sale. Il regardait sous les matelas. Il nous faisait trembler. Tous les 15 jours, il venait avec le chirurgien-major nous visiter dans nos lits. Il fallait se présenter en chemise et défense de se soustraire à cette visite, sous peine de prison. S'il en trouvait qui avait attrapé du mal, il partait de suite à l'hôpital. Il leur était retenu 4 sous par jour, et à leur sortie, ils avaient 4 jours de salle de police. Enfin, l'empereur, dans les premiers jours d'octobre, donna l'ordre de nous tenir prêts à partir sous peu de jours. Nos officiers firent faire nos malles pour les porter au magasin. Il était temps. L'ordre arriva de partir pour Bayonne. Je dis à mes camarades, « Nous allons en Espagne, gare les puces et les poux. » Ils soulèvent la paille dans les casernes et se promènent comme des fourmis sur le pavé. « Gare nos ivrognes, le vin du pays rend fou, on ne peut le boire. » De Bayonne, nous allâmes à Irune, puis à Vitoria, jolie ville, puis à Burgos, où nous restâmes 2 jours. La ville est pourvue d'une belle église. L'intérieur de l'édifice est de toute beauté. Le cadran de l'horloge est en dedans. À midi, les 2 battants s'ouvrent, et on voit défiler des objets curieux. La principale flèche de ce bel édifice est flanquée de petites tours qui forment 4 faces et de jolies chambres qui communiquent l'une dans l'autre. Un petit escalier qui part d'un grand vestibule longe à gauche l'édifice. Au bout est un beau jardin. Nos grenadiers à cheval placèrent leurs chevaux sous les beaux arceaux qui étaient occupés du côté gauche par des balles de coton. Ils allaient partir pour aller au fourrage lorsqu'au pied du petit escalier paraît un petit garçon de 11 à 12 ans qui se présente à nos grenadiers. Étant aperçu par un d'eux, il se retire pour regagner son escalier, mais le grenadier le suit et parvient à le joindre en haut de l'édifice. Arrivé sur le palier, le petit garçon fait ouvrir la porte et le grenadier entre avec lui. La porte se referme et les moines lui coupent la tête. Le petit garçon redescend, se fait voir encore et un autre grenadier le suit. Il subit le même sort. Le petit garçon revint une 3e fois, mais un grenadier qui avait vu monter ses camarades dit à ceux qui rentraient de la corvée du fourrage, « Voilà 2 des nôtres montés au clocher qui ne reviennent pas. Nos camarades sont peut-être enfermés dans le clocher, faut voir cela de suite. » Les voilà partis pour suivre l'enfant. Ils prennent leur carabine, montent le petit escalier étroit, et pour ne pas être surpris, ils font feu en arrivant en haut, enfoncent la porte et trouvent leurs 2 camarades, la tête tranchée baignant dans leur sang. Quelle fureur pour nos vieux soldats! Ils firent un carnage de ces moines scélérats. Ils étaient 8 avec des armes et des munitions de toutes espèces, et des vivres et du vin. C'était une vraie citadelle. On jeta les capucins et le petit garçon par les lucarnes dans leur jardin. Après avoir rendu les derniers devoirs à nos camarades, nous partîmes de Burgos pour marcher en avant. À 2 lieues, nous trouvâmes le roi d'Espagne qui venait au-devant de son frère, notre empereur, et ils partirent pour rejoindre l'armée qui se portait sur Madrid. On joignit l'avant-garde, que l'on poursuivit l'épée dans les reins. Le 30 novembre 1808 eut lieu la bataille de la Sierra. C'était une position des plus difficiles, mais l'empereur ne balança pas. Il fit rassembler tous ses tirailleurs et les fit longer les montagnes. Lorsqu'il les vit arriver près du flanc de l'artillerie, il fait partir les lanciers polonais sur la grande route, avec les chasseurs à cheval de sa garde, et leur donna l'ordre de franchir la montagne sans s'arrêter. C'était hérissé de pièces de canon. On part au galop, en culbutant tout. Le sol était jonché de chevaux et d'hommes. Les sapeurs désencombrèrent la route en jetant tout dans les ravins. Les Espagnols firent tous leurs efforts pour défendre leur capitale, mais l'empereur fit tourner Madrid qui fut bloquée. La garnison était faible, mais le peuple et les moines avaient pris les armes. Ils s'étaient tous révoltés, avaient dépavé la ville et avaient monté les pavés dans leurs chambres. On nous fit camper près d'un château peu éloigné de Madrid, où nous restâmes 2 jours. Le puits du château ne put nous fournir d'eau pour notre nécessaire. Il fallut partir chercher des vivres. Nous revînmes avec 200 ânes chargés d'outres en peau de bouc, et nous fûmes obligés de faire nos barbes avec du vin. Nous attachâmes nos quadrupèdes à des piquets pour passer la nuit, mais le lendemain matin, ils firent entendre une musique si bruyante que l'empereur ne pouvait plus s'entendre. Il envoya un aide de camp pour faire cesser ce tintamarre. On lâcha ces pauvres bêtes. Se trouvant en liberté, elles se sauvèrent dans la plaine, où elles se dévoraient les unes les autres, n'ayant pas de quoi manger. Le canon ne cessait pas. On envoyait des boulets dans la ville de tous côtés, mais ils ne voulaient toujours pas capituler. ils éprouvèrent des pertes si considérables qu'ils finirent par se rendre à discrétion. L'empereur leur déclara que s'ils tombaient un pavé sur ses soldats, tout le peuple serait passé au fil de l'épée. Ils en furent quittes pour repaver leurs grandes rues. La ville est grande et pas jolie, de grandes places garnies de vilaines baraques, mais il y en a une au midi de la ville qu'on ne peut voir sans l'admirer, à cause de sa belle façade, de ses belles promenades et d'une belle fontaine. Voilà le plus beau. Pour le palais, les abords ne sont point dégagés. On entre dans une cour d'honneur très mesquine, avec un corps de garde à gauche. Le palais à droite est très bas du côté de la ville. Il est bâti devant un ravin ou précipice d'une immense profondeur. La façade est superbe et l'on descend par un magnifique escalier. Le palais faisant face à la ville n'est qu'un rez-de-chaussée avec de beaux degrés pour y monter. Les salons sont magnifiques. Il y a une pendule en acier très riche. Le maréchal Lannes fut chargé de prendre Saragosse, qui coûta des pertes considérables à notre armée. Toutes les maisons étaient crénelées. Il fallut les enlever les unes après les autres. L'empereur quitta Madrid avec toute sa garde, et nous arrivâmes au pied d'une montagne formidable, avec de la neige, comme au Mont-Saint-Bernard. Il fallut la franchir avec des peines inouïes. Avant d'arriver à ce terrible passage, nous fûmes saisis par une tempête de neige qui nous renversait. Personne ne se voyait, on était obligé de se tenir les uns aux autres. Il fallait avoir un empereur à suivre pour y résister. Nous couchâmes au pied de cette montagne, que notre artillerie eut toutes les peines du monde à franchir, et nous redescendîmes dans une plaine où étaient de mauvais villages dévastés par les Anglais. Arrivés au bord d'une rivière dont les ponts étaient coupés, nous la trouvons d'une rapidité sans pareille. Il fallut la passer au guet et se tenir les uns aux autres sans lever les pieds, crainte d'être entraînés par la rapidité du courant. Nos bonnets étaient couverts de givre, comme c'était amusant de prendre un bain au mois de janvier. En mettant le pied dans cette rivière, on en avait jusqu'à la ceinture. On nous recommanda d'ôter nos pantalons pour traverser les deux bras de cette rivière. Sortis de l'eau, nous avions les jambes et les cuisses rouges, comme des écrevisses cuites. De l'autre côté était une plaine, où notre cavalerie donnait une charge complète aux Anglais. Il fallut poursuivre pour la soutenir, et nous arrivâmes au pas de course, sans nous arrêter jusqu'à Bénévente, que nous trouvâmes ravagée par les Anglais. Ils avaient tout emporté. Notre cavalerie les poursuivit à outrance. Ils détruisirent tous leurs chevaux, abandonnèrent tous leurs bagages et leur artillerie. L'empereur donna l'ordre de repasser la terrible rivière. Deux bains dans une journée si froide, il y avait de quoi faire la grimace. Mais il avait tout prévu et avait fait préparer des feux à une petite distance pour nous réchauffer. Toute la garde se mit en route pour Valladolid, grande ville. Là, les moines avaient pris les armes. Mais les couvents étaient déserts, et nous ne manquions pas de logement. On nous mit en grande partie dans ces beaux couvents, en face des couvents de femmes, qui tiennent les jeunes filles de l'âge de 12 à 18 ans jusqu'à l'âge d'être mariées. Nos soldats cherchent dans les jardins avec leurs baguettes de fusil pour trouver la cachette des moines. Ils furent bien surpris de trouver à chaque pas des enfants nouveau-nés, en terre à 2 ou 3 pieds de profondeur, dans le jardin même. Je frémis encore au souvenir d'avoir vu de pareilles horreurs. Elle donne un aperçu de ce qui se passait dans ce pays. Nous eûmes l'ordre de rentrer en France à marche forcée, et l'empereur partit pour Paris. Il nous fit préparer une petite surprise qui nous attendait à notre arrivée dans Limoges, car il voulait conserver nos jambes et nos souliers. Nous fûmes reçus dans cette belle ville et nous y couchâmes. Le lendemain, nos officiers disent « Il faut démonter les batteries de nos fusils et les bien envelopper avec les vis et la baïonnette, crainte de les perdre. » Toute la garde montera en voiture jusqu'à Paris. Les voitures sont prêtes hors de la ville. En démontant mon fusil, je dis à notre capitaine « Mais on nous prend donc pour des veaux pour nous mettre sur la paille. » Il se mit à rire. « C'est vrai, dit-il, mais ça presse, les cartes se brouillent, nous ne sommes pas prêts de coucher dans un lit, et d'ici Paris, il ne faut pas y compter. » Nos fusils démontés, nous voilà partis. Le peuple était là en foule. Hors de la ville, nous trouvâmes des charrettes garnies de bottes de paille. Les gendarmes les gardaient, rangés sur un rang à droite de la route. On était distribués par compagnie dans un ordre parfait. On montait suivant ce que devait contenir la charrette. S'il y avait 3 chevaux, c'était 12 hommes. Arrivé au relais, on donnait 5 francs par collier, et si le cheval périssait, 300 francs étaient payés de suite. À la descente de la troupe, les payeurs se trouvaient pour tout solder. D'autres charrettes étaient prêtes pour repartir. Les billets de rafraîchissement étaient donnés par compagnie. Les habitants étaient à l'arrivée du convoi avec le billet du nombre d'hommes qu'ils devaient avoir pour les faire manger et les emmener de suite pour se mettre à table. Tout était prêt partout. Nous n'avions que 3/4 d'heure pour manger et il fallait de suite partir. Le tambour majeur était servi sur la place, jamais en retard. En partant, le bataillon s'allongeait sur la route, de manière que chaque compagnie se trouvait en face de ses charrettes pour y monter et distribuer les ordinaires. Il n'y avait pas une minute de perte, chacun étant pénétré de son devoir. Nous faisions 25 lieues par jour. C'était la foudre qui partait du midi pour se porter au nord. Ce grand trajet de Limoges à Versailles fut bientôt fait. Arrivés aux portes de cette jolie ville, on nous fit descendre des charrettes. Pour faire l'entrée, il fallut remonter nos fusils et traverser cette ville dans un état de misère et de fatigue complet, ni rasé ni brossé. Sortis de Versailles, nous pensions trouver des voitures. Pas du tout. Il fallut faire le voyage à pied pour aller coucher à Courbevoie, où, morts de faim et de fatigue, nous reçûmes des vivres et du vin. Le lendemain fut employé à nous rapproprier. Nous passâmes au magasin de linge et de chaussures, et le surlendemain, l'empereur nous passa en revue. Puis nous partîmes de suite, mais on nous fit une petite galanterie en nous faisant monter dans des fiacres, qui avaient tous été mis en réquisition. 4 grenadiers par fiacre, avec nos sacs et nos fusils, c'était suffisant. Arrivé à Claye, on fit manger l'avoine à ces mauvaises rosses, et nous régalâmes notre cocher. Nous repartîmes par la même voiture, et toujours le dîner sur la table partout. Nous arrivâmes à la Ferté-sous-Jouarre, où les grosses voitures de l'abri, avec de gros chevaux et de bonnes bottes de paille, nous attendaient, 12 hommes par charrette. Ces maudites routes avaient des ornières profondes et de grosses pierres. Les cahots nous assommaient, nous culbutaient les uns sur les autres. Dieu, quelle souffrance! Nous faisions toujours nos 25 et 26 lieues par jour. Arrivés en Lorraine, nous trouvâmes de petits chevaux légers et de petites voitures basses qui nous menaient ventre à terre. Ils passaient les uns devant les autres. Nous pouvions faire 30 lieues avec de pareils chevaux. Mais c'était effrayant de descendre des montagnes rapides, surtout celles qui tournent pour arriver à Metz. Arrivé aux portes de la ville, il fallut lui rendre les honneurs, remonter nos fusils et nous mettre en grande tenue, défaire les sacs pour changer de linge. Il y avait plus de 10 000 âmes pour nous voir, surtout des dames qui n'avaient jamais vu la garde de l'empereur. Nos fusils montés, nous défîmes nos sacs pour faire notre toilette. Il faisait un grand vent pour changer de chemise, tout volait en l'air, de sorte que le champ fut bientôt libre, les dames criant à l'horreur en voyant les plus beaux hommes de France tout nus, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Notre entrée fut magnifique. Nous fûmes tous logés chez le bourgeois et bien traités. L'empereur dit que les chevaux de Lorraine avaient fait gagner 50 lieues à sa garde par leur vitesse. Nous partîmes de Metz pour ne plus nous arrêter ni jour ni nuit. Nous étions conduits par la baguette des fées. Nous arrivâmes à Ulm de nuit. On nous donna nos billets de logement, mais après avoir mangé, la grenadière battit. Il fallut prendre les armes et partir de suite. Sur la route d'Augsbourg, on fit l'appel de 9 à 10 heures du soir. Plus de voitures, nous étions sur le pays ennemi.